北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 朋友，你们好，欢迎您继续收听法语三百句节目，我是彭文娟。 Bonjour, chers amis, je suis Marc. Comment allez-vous? 在今天的节目中，我们将学习第十七课，看看一些日常的活动该怎样用法语表达。 Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 17, les activités quotidiennes. 在进入新的内容以前，请大家先听一个小对话。 Bonjour, Lucie. Ah, bonjour Marc. Est-ce que je peux te demander un service? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu peux envoyer cette lettre pour moi? Pas de problème. Merci bien. Tu sais que j'ai beaucoup de travail toute la matinée. 在这个小对话中，我们复习了请求他人帮助的一些表达法。最后一句话 ，J'ai beaucoup de travail toute la matinée. Travail 意思就是工作。不过我们知道一天的工作活动都是从早上起床开始的，所以我们也从起床这个词学起。 À quelle heure vous levez-vous tous les jours? 每天您几点起床？ Se lever 意思就是起床，它变位的时候 se 应随着主语进行人称变化，大家可参看教材161页。 Tous les jours 意思就是每天。 À quelle heure vous levez-vous tous les jours? À quelle heure vous levez-vous tous les jours? 刚才的 se lever 在法语中称为代词式动词。现在我们再学习一个 se réveiller。 En général, je me réveille très tôt. 通常我醒得很早。Se réveiller 意思就是醒。在这里，由于主语是 je, se 也相应变成了 me。 En général, je me réveille très tôt. En général, je me réveille très tôt. 马克，我们中国人说一日之计在于晨。你每天都坚持早起吗？ Oui, mais mon frère se lève plus tard que moi. 我的兄弟起得比我晚。这里出现了一个副词的比较级 ，plus tard que moi， 比我晚。plus 后面接上副词 que。后面接比较的对象。 Mon frère se lève plus tard que moi. Mon frère se lève plus tard que moi. 起床以后就该梳洗吃早饭了。我们来看一看用法语怎么说。 Après ma toilette, je prends le petit déjeuner. 我梳洗完毕就吃早饭。La toilette 在这里是梳洗的意思。请注意，一日三餐吃饭。都要用到 prendre 这个动词，吃早饭是 prendre le petit déjeuner， 吃午饭是 prendre le déjeuner， 吃晚饭是 prendre le dîner。 Après ma toilette, je prends le petit déjeuner. Après ma toilette, je prends le petit déjeuner. 下面我们把刚才学过的内容连起来读一读。 À quelle heure vous levez-vous tous les jours? En général, je me réveille très tôt. Mon frère se lève plus tard que moi. Après ma toilette, je prends le petit déjeuner. 咱们再读一次。 À quelle heure vous levez-vous tous les jours? En général, je me réveille très tôt. Mon frère se lève plus tard que moi. Après ma toilette, je prends le petit déjeuner. 您现在收听的是法语三百句。刚才我们学习了起床、吃早饭等表达法，现在应该开始工作了。 Chaque matin, je commence mon travail au bureau à 9h. 每天早上9点钟，我开始在办公室工作。开始工作 ，commencer son travail. Bureau 指的是办公室。 Chaque matin, je commence mon travail au bureau à 9h. Chaque matin, je commence mon travail au bureau à 9h. 您还记得我们在对话中说过的一个句子吗？我们再来复习一下。 J'ai beaucoup de travail toute la matinée. 整个上午我工作很忙。Beaucoup de 后面一般应该加上名词复数形式，但有少量名词没有复数形式就用单数，比如这里 beaucoup de travail 就是很多工作。 J'ai beaucoup de travail toute la matinée. J'ai beaucoup de travail toute la matinée. 学过了上班就该学下班了。 Je sors de mon travail vers 5h30. 我下午五点半左右下班。 Sortir de son travail意思就是下班 ，vers 放在时间的前面，表示左右。 Je sors de mon travail vers 5h30. Je sors de mon travail vers 5h30. 马克，你下班以后经常干什么 ？Avant le dîner, je lis des journaux pendant 20 minutes. 晚饭前，我看20分钟报纸。看报纸应该说。Lire des journaux. Pendant 后面接时间，表示在多长时间以内。 Avant le dîner, je lis des journaux pendant 20 minutes. Avant le dîner, je lis des journaux pendant 20 minutes. 那你吃完饭以后干什么呢 ？Le soir, je regarde la télévision ou j'écoute la musique. 晚上我看电视。或是听音乐，请记住这两个词组 ：regarder la télévision， 意思就是看电视 ；écouter la musique， 听音乐。 Le soir, je regarde la télévision ou j'écoute la musique. Le soir, je regarde la télévision ou j'écoute la musique. 那你几点睡觉呢 ？Généralement, je me couche à 11h. 我通常在11点上床睡觉。Se coucher 是睡觉的意思，您可以和 se lever 起床一起记。Généralement 指的是通常。 Généralement, je me couche à 11h. Généralement, je me couche à 11h. 下面我们把本课的主要内容复习一下。Se lever. À quelle heure vous levez-vous tous les jours? Se réveiller. En général, je me réveille très tôt. Se coucher. Généralement, je me couche à 11h. 下面是关于上班下班的表达法。Commencer son travail. Chaque matin, je commence mon travail au bureau à 9h. Sortir de son travail. Je sors de mon travail vers 5h30. 另外还有几个关于闲暇时活动的短语。Lire des journaux. Avant le dîner, je lis des journaux pendant 20 minutes. Regarder la télévision, écouter la musique. Le soir, je regarde la télévision ou j'écoute la musique. 最后我们看看字母 C 在本课中出现时发哪些音。 C, C, commencer, écouter, coucher, activité, C, H, Ch, chaque, couche. 听众朋友们，今天的节目就到这里，感谢您的收听，下次节目再见。 Merci de votre attention et à la prochaine fois. Au revoir. 这次的外语实用口语300句讲座节目播送完了。